بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc on poursuit. Inch'Allah, la dernière fois, on avait pris les masaïl tata'alak bil iman par rapport à la foi. Et dernière question, c'était ma ma'na al-iman billah azza wa jal. Quel est le sens de la foi en Allah? Et il avait conclu de croire son tawhid. Tawhid al-ilahiyya, wa tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-asma wa sifat. Ce sont les trois catégories de tawhid. Donc là maintenant, il va rentrer dans tawhid al-uluhiyya, qu'on appelle tawhid al-ibadah, wa tawhid al-uluhiyya, qui est le tawhid de l'adoration. قال وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. Donc c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par toute forme d'adoration, qu'elle soit apparente ou enfouie, qu'elle soit des paroles ou des actes. وَنَفِي الْعِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا سُوَى اللَّهَ تَعَلَى كَائِنًا مَنْ كَانْ كَمَا قَالَ تَعَلَى وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et cela revient à recuser toute adoration pour quiconque en dehors d'Allah, qui qu'il soit, comme dans le sens où Allah est dit, et que ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Al-Isra, le voyage nocturne, verset 23. Wa qala ta'ala, wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Dans le sens où Allah dit, et adorer Allah et ne lui associer rien. Les femmes, verset 36. Wa qala ta'ala, innani yana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim al-salata li dhikri. Certes, je suis, c'est moi Allah, celui dont il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré en dehors de moi. Alors adore-moi et accomplis la salat pour mon rappel. Taha, verset 14. وَلَذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ وَهَذَا قَدْ وَفَدْ بِهِ شَارَتْ لَا إِلَا إِلَا اللَّهِ. Donc il y a plein d'autres adillah qui amènent à parler de tawhid. Et d'ailleurs le Coran, كُلُّهُ تَوْحِيد مِنْ أَوَّلِي إِلَا أَخِلِهِ. Seulement il y a des versets, le Coran est tawhid dans son intégralité. Cependant il y a des versets qui sont plus explicites que d'autres pour le citer. Sans quoi le Coran est venu entièrement pour nous appeler à adorer Allah Azza wa Jal seul, de l'unifier dans tout ce qui lui revient. Yaqul ma huwa did tawhid al-ilahiyya. Donc maintenant, quel est l'opposé du tawhid de l'adoration, de la divinité? Qala did huwa ash-shirk. Wa huwa nu'an shirkun akbar yunafihi bil-kulliyya wa shirkun asghar yunafi kamalahu. Donc l'opposé du tawhid, c'est ce qu'on appelle le shirk, qui est l'association, qui revient à faire du polythéisme. Et il est de deux formes. Celui qui est akbar, qui est majeur, qui lui s'oppose au tawhid dans son intégralité, et le shirk asrar, celui qui est mineur, qui lui s'oppose à sa perfection. Donc les deux ne sont pas pareils. Qal, ma huwa ash-shirk akbar. Donc maintenant il va expliquer. Hein, c'est quoi le shirk akbar? Et c'est quoi la différence entre les deux? On va en parler. Bismillah. وَاتِّخَاذُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا يُسَوِّهِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ يُحِبُّهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَيَخْشَاهُ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَيَتَلَجَّى إِلَيْهِ وَيَدْعُوهُ وَيَخَافُهُ وَيَرْجُوهُ وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيُطِيعُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ يَتْبَعُهُ عَلَى غَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Donc c'est le fait que le serviteur prenne un égal en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'il lui accorde des choses qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal. Qu'il l'aime comme l'amour qui revient à Allah. Qu'il le craigne d'une crainte qui revient à Allah. Qu'il revienne vers lui ou l'invoque dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Qu'il ait peur de lui, d'une peur qui ne revient qu'à Allah Azza wa Jal. Qu'il espère de lui. Il espère de lui que dans ce que Allah Azza wa Jal peut lui apporter. Et qu'il espère de lui et qu'il le convoite et qu'il place sa confiance en lui et qu'il lui obéit dans la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire qu'il rend halal ce qui est haram. En sachant que cela est haram, par exemple, et lui, il prend ce shariq qui lui dit cette chose est halal, tout en sachant que la personne sait qu'Allah Azza wa Jal a rendu cela haram. Donc il a quoi? Il fait ce qu'on appelle le tahlil ou tahrim. Il rend halal le haram. Avec, et en ayant pour connaissance que cela de base est haram. C'est comme l'ont fait les Yahoud et les Nasara avec leurs rabbins et leurs curés, qui leur ont rendu illicite ce qu'Allah a rendu illicite et le contraire. On ne dit pas que le fait de faire un péché veut dire que tu le rends halal. Là, on parle bien de quelqu'un qui sache qu'une chose, elle est haram, et lui dit non, elle est halal. D'accord ? Voilà, à ce moment-là, on fait du shirk. Et qui suivent cette chose dans ce que Allah Azzawajal n'agrée pas. En rendant cela, bien sûr, licite. Quand la ta'ala, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. » Et que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et celui qui associe Allah Azzawajal a certes forgé un, ou a commis un péché immense. An-Nisa les femmes, verset 48. Encore la ta'ala, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Et celui qui associe Allah s'est éloigné d'un égarement évident, lointain. Les femmes, verset 116. Encore la ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-janna wa mawaahu an-nar. Dans le sens où elle a dit, et certes celui qui associe Allah, Allah lui aura interdit le Jannah, et son refuge sera le feu. Elle met idala table de service, verset 72. Encore la ta'ala, wa man yushrik billahi faqa'annama harram min as-sama'a. Celui qui associe Allah, c'est comme si il était tombé du ciel et que les oiseaux l'ont saisi ou qu'il se soit fait emporter par le vent dans un lieu lointain. Dans le sens où le Nabi Sassam l'a dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui n'aura rien associé. Et en réalité, nous n'avons aucun droit sur Allah Azzawajal. C'est juste une chose que Allah nous a promise. Donc de là, Allah Azzawajal n'est pas injuste. Sans quoi, nous n'avons aucun droit sur lui. C'est Allah Tasharrufan. Wa ikram an-nana. يقول ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبتن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبتنون الكفر. Et ce shirk fait exclu de la communauté, qu'il s'agisse de ceux qui l'assument pleinement, comme les politistes de Quraysh, c'est-à-dire des gens qui ne se disent pas affiliés à l'islam, comme vous le savez, d'accord ? Ou alors ceux qui se affilient à l'islam qui sont des hypocrites. Les deux tomberont dans le shirk akbar et les deux sont excommuniés de la communauté. Encore la ta'ala, inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira illa allazina tabu wa aslihu wa ihtasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Car certes les hypocrites sont au niveau le plus bas du feu et tu n'en trouveras aucun secoureur. Hormis ceux qui seront repentis et qui seront réformés et qui seront accrochés à Allah et qui auront suivi la religion sincèrement pour lui. Ceux-là seront avec les croyants. Donc le munafiq, cela, l'auteur fait allusion au fait qu'il y a des gens dans notre communauté qui vont dire « La ilaha illallah ». D'accord ? Mais pourtant, au fond d'eux, ils vont refermer le kufr. Donc le fait de le prononcer ne suffit pas. Comme on l'expliquait avec des shurut auparavant, qu'il faut remplir. Mais il y a des gens parmi nous parmi les gens de l'islam, qui auront l'apparence des gens de l'islam, mais ils auront l'intérieur des gens du kufr. Donc eux également, en réalité, sont des kufars. Même si nous, on ne le voit pas, Allah Azzawajal, lui, le sait. Et au Qiyamah, ils auront le pire des châtiments pour avoir fait un double jeu. Et avoir trompé les gens. Taïeb. Et le shirk akbar, donc comme on l'explique, il sort de l'islam, c'est-à-dire il te rend mécréant. Tes biens deviennent licites. Dans le sens où si demain, il y avait quelque chose, ça ne veut pas dire que les musulmans peuvent voler les biens des koufars, non. Mais s'il y avait quelque chose, ce bien-là pourrait être pris comme butin. Lors de rencontres avec les musulmans, dans les conditions machulouah. Que ces biens pourraient être saisis. D'accord ? Également, toutes ses œuvres sont annulées. Tout ce qu'il a fait auparavant, celui qui avait du shirk, toutes ses œuvres sont annulées. Et il sera au feu éternellement. Et maintenant, il va parler du shirk asrar, celui qui est, lui, moindre, qui est mineur. Et qui est le plus grand des péchés après le shirk akbar. Ce shirk-là est pire que le qatl, pire que le meurtre, pire que le vol, pire que la fornication, pire que le fait de consommer des substances enivrantes et autres. قال ويسير الرياء داخل في تحسين العمل المراد به الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc en fait, ce cheikh Askhar, c'est celui qu'on nomme la petite, enfin la petite, on va dire la l'ostentation légère. C'est-à-dire le fait de d'embellir un acte qui revient à Allah pour les autres. Dans le sens où Allah dit, et celui qui espère rencontrer son Seigneur alors qu'il œuvre dans le bien et qu'il n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur ou quiconque. C'est-à-dire quand tu fais l'adoration, tu la fais pour lui seulement, subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Fasu'ila anhu fa qala ar-riya. ثم فصل بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر نظر رجل إليه. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce qui m'effraie le plus pour vous, c'est le shirk Asghar. Et il fut interrogé, mais quel est-il? Il dit, c'est l'ostentation. En puis, il expliquait en disant que c'est la personne se lève pour faire la salat, puis, lorsqu'il voit qu'on le regarde, il se met à embellir sa salat aux yeux des gens. Donc ça, c'est du shirk Asghar. Et lui, sa salat, elle sera annulée s'il persiste sur cette ostentation. Quant à celui qui sera atteint de waswas et d'envie, s'il le repousse, sa salat restera valide. يقول ومن ذلك الحلف بغير الله كحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. Donc c'est le fait ou également de jurer par autre que Allah, comme le fait de jurer par son père ou par des égaux ou par la Kaaba ou par l'honnêteté et autres. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit ne jurez pas par vos pères ni par vos mères et ni par les égaux. Donc le fait de jurer par Allah, c'est le shirk Asghar. D'accord? Quand on entend des gens qui jurent sur la tête de leur mère, la tête de leur père, ou leur grand-mère, ou tout ce qui s'ensuit, ou sur leur vie, et autres. Tout cela est du shirk Asghar. Et c'est une chose qui est gravissime. C'est une chose qui est gravissime. Et pourtant, elle est tellement facile sur la bouche des gens, c'est incroyable. Et là, je parle des muslimoun, taban. Donc, quand Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, « Wala takulu wal ka'ba » ولكن قولوا ورب الكعبة. Le Nabi Salam l'a dit, ne dites pas par la Kaaba, c'est-à-dire en jurant, mais dites par le Seigneur de la Kaaba. Et il y a comme le Nabi Salam sallam, la tahlifu illa billah, ne jurez que par Allah. Et tab'an, on peut jurer par Allah et par ses noms et attributs. D'accord? Par ses noms et attributs. Tout comme on peut jurer par le Coran, car le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est un de ses attributs. Par contre, ce que les gens disent quand ils disent le Coran de la Mecque, ça n'existe pas, ça. Et on craint pour eux qu'ils ne visent par là un livre qui s'imagine qu'il soit encore resté à la Mecque, comme étant par exemple le premier Mossav descendu, et qu'il soit préservé quelque part à la Mecque, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais ils visent par là une créature. Et cela rend dans le Cheikh Asrar. Et encore, le Cheikh Asrar, je réponds que Allah peut devenir Akbar. Ça dépend du Tardim, de l'amour qu'on a dans le cœur pour cette chose pour laquelle on jure. Ça peut devenir de chaque akbar également. Il y a quoi quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man halifa bil amana falaysa minna. Celui qui jure par l'honnêteté ne fait pas partie de nous. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man halifa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak. Celui qui a juré par autre que Allah a certes mécru ou a associé. Et bien sûr, en regardant les autres adillah, on voit que le shirk qui est voulu par là, c'est le shirk qui est asrar. ومنه قوله ومنه قول ما شاء الله وأشيت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Une personne avait dit au Nabi صلى الله عليه وسلم comme Allah veut hein, et toi également ما شاء الله وأشيت. Il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم as-tu fait de moi un égal à Allah, mais dis plutôt comme Allah l'a voulu seul, comme Allah l'a voulu seul. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. Et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit ne dites pas comme Allah a voulu et comme un tel a voulu, mais dites comme Allah a voulu ensuite comme un tel a voulu. Il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Le précédent, le Nabi صلى الله عليه وسلم a voulu fermer les portes pour éviter que les gens ne s'éloignent. Et dans le deuxième hadith, il a voulu montrer en fait la différence en disant qu'en fait il est permis en disant « summa », qui veut dire « ensuite » en français. D'où la suite de la question qui arrive, quand il dit « mal farq bayna al-waw wa summa fi yadi al-alfaz ». Donc il dit maintenant c'est quoi la différence entre dire « et ensuite » en disant « comme Allah l'a voulu » et toi également, ou comme Allah l'a voulu, ensuite, comme toi tu l'as voulu. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est que le wow, ça amène à égaliser entre les deux. Lorsque tu dis, comme Allah l'a voulu, et comme tu l'as voulu, ça fait comme si ta volonté était égale à celle d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on dit, comme Allah l'a voulu, ensuite comme un tel l'a voulu, ça prouve bien que la volonté d'un tel suit celle d'Allah. Elle ne lui est pas égale. Elle vient après, c'est-à-dire comme Allah le veut en premier, et ensuite, comme toi tu le désires. Ce qui prouve qu'en fait, tu n'as pas de part dans le contrôle. Donc c'est une différence qu'il y a entre les deux. Entre « waouh » en arabe et « thumma », qu'on traduirait par « et » en français, et « ensuite » également. Non. Donc voilà en gros ce qu'on a pris aujourd'hui. Et le Cheikh Asrar, la différence qu'il y a avec l'Akbar, c'est que le Cheikh Asrar ne fait pas sortir de l'islam. Il n'annule pas toutes les œuvres, mais il n'annule que l'œuvre dans laquelle il a eu lieu. D'accord ? Et également, il ne rend pas licite le sang et les biens de celui qui sera tombé dedans. Et celui qui sera mort sur le Cheikh Asrar sera châtié. Il y a une divergence entre le ulama, certains disent qu'il est tartel machia, lakin kol sahih, annahu sayu'adhab. Car le shirk implique forcément, celui qui meurt dessus sans tawba, implique forcément un châtiment. Car Allah ne le pardonne pas, sous toutes ses formes. Et quand il ne pardonne pas, ce n'est pas un pardon éternel, dans le sens où il ne pardonnera jamais. Dans le sens où tu seras obligé d'être châtié. Si c'est le Akbar, tu seras au feu éternellement, et sur l'Asrar, tu ne seras pas pardonné, mais tu auras un châtiment, on va dire, moindre que l'autre, et tu finiras par sortir pour aller au Jannah si jamais tu étais parmi les gens qui avaient le Tawhid. Mais ton Tawhid, il aurait été entaché par ce shirk, Asrar, qui sera opposé à sa perfection. Ce qui aura fait que la personne méritera de se voir châtier un temps au feu. Wallahi azabillah. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui de ce ders. On a ktafi biad al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.